Chapitre 3. Aguirre City, Etzal Prime. Deux heures avant l'impact. C'est confirmé, demanda le ministre Eka tandis que l'alarme résonnait dans son bureau, constante, insistante et impossible à ignorer. Ce qui était sans doute le but selon lui. Apparemment, répondit le conseiller Dan en plaquant une boucle de cheveux derrière son oreille. L'alerte provient d'une station de surveillance à l'extrême limite du système. Elle a été transmise en priorité absolue sur chaque monde et avant-poste. Tous les ordinateurs reliés au processeur central répercutent la même alarme. Mais quelle en est la cause ? Demanda le ministre. N'y avait-il aucun message joint ? Non. Nous avons demandé des précisions à plusieurs reprises, mais sans réponse. Nous pensons que la station de surveillance a été détruite. Le ministre Eka réfléchit un instant. Il fit pivoter son siège, tournant le dos à ses conseillers, et le bois ancien craqua légèrement sous son poids. Il regarda au travers de la vaste fenêtre panoramique qui composait le mur du fond de son bureau. Les champs dorés de Etzal s'étendaient à perte de vue jusqu'à l'horizon. Dans ce monde, et dans tout ce système, à vrai dire, on estimait nécessaire d'employer la moindre parcelle pour cultiver, créer et développer. On installait des jardins sur les toits des bâtiments, on faisait pousser algues et plantes aquatiques utiles dans les cours d'eau et les lacs, on bordait de terrasses les étages des tours, d'où pendaient les tiges de plantes fruitières. Des droïdes récolteurs bourdonnaient tout autour, cueillant les fruits mûrs selon les saisons. C'était actuellement celle du mélifruit, de la baie des rois et du melon de glace. D'ici un mois, d'autres les remplaceraient. Sur Etzal, c'était toujours la saison de quelque chose. Il adorait cette vue. La plus paisible de la galaxie, selon lui. Tout était à sa place. Productif, conforme. Mais l'alarme qui lui résonnait au tympan perturbait cette sérénité. À présent, tout ceci lui semblait fragile. « Il se passe quelque chose dehors !» annonça une autre conseillère, une dévaronienne du nom de Zafa. Eka la connaissait depuis longtemps, mais c'était la première fois qu'elle lui paraissait inquiète. Les yeux braqués sur un data-écran, elle fronçait les sourcils. « Une plateforme minière vient de disparaître au milieu du système » ajouta-t-elle. « Et des brèches apparaissent dans le réseau de satellites. C'est à croire que quelqu'un abat nos installations une à une. » « Et nous n'avons toujours pas d'image. C'est dément !» protesta Eka. Il désigna son chef de la sécurité, un humain corpulent d'âge mûr. « Borta, pourquoi vos gens ne sont-ils pas au courant de ce qui se passe ?» Le dénommé Borta se rembrunit. « Monsieur le ministre, sauf votre respect, vous le savez bien. Vos récentes restrictions budgétaires ont réduit la branche de sécurité de Etzal à un dixième de sa taille d'autrefois. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne disposons que de ressources limitées. » S'agit-il d'une sorte d'anomalie naturelle ? Ce ne serait pas... On ne nous attaquerait pas tout de même. Pour le moment, nous l'ignorons. La situation pourrait ressembler à une infiltration ennemie, mais nous ne voyons aucune signature de moteur et les sites touchés semblent complètement aléatoires. Il nous reste quelques plateformes de défense orbitale, tout intactes. S'il s'agissait d'une attaque, l'ennemi tenterait de nous empêcher de répliquer. Mais ce n'est pas le cas. L'alarme résonna de nouveau et Eka fit pivoter son fauteuil pour pointer du doigt le conseiller Dan qui eut un mouvement de recul. « Vous n'allez pas éteindre cette fichue alarme. Je ne m'entends plus penser. » Dan se reprit et se redressa légèrement pour appuyer sur une touche de son data-écran. La sirène cessa miséricordieusement. Un autre conseiller prit la parole. Un jeune homme mince aux cheveux roux et à la peau extrêmement pâle, du nom de Kevin Tarr. C'était le ministre de la Technologie qui l'avait envoyé. Eka ne voyait pas vraiment ce qu'il pouvait faire d'un technicien qui ne s'occupait pas de rendement agricole. Au fond, le ministre restait un fermier avant tout. Mais Tarr était censé être un type futé. D'ici peu, ce garçon finirait par monter en grade et se trouvait un poste dans une région plus sophistiquée de la galaxie. C'était habituel sur un monde comme Etzal. Tout le monde ne restait pas. Je crois pouvoir vous montrer ce qui se passe, monsieur le ministre, déclara Tar. Ses doigts, plutôt longs pour un humain, dansèrent sur son datapad. Laissez-moi transmettre les données au droïde, qui pourra projeter les informations afin que nous les voyons tous. Il entra encore quelques commandes, puis déploya un câble de connexion pour relier son datapad au port d'accès du droïde hexagonal trapu chargé des coms qui patientait dans un coin de la salle. Celui-ci s'avança en roulant et la lueur de son unique œil vert se fit de plus en plus intense. Ce projecteur intégré permit à la machine d'afficher une image sur le grand mur blanc réservé à cet effet dans le bureau du ministre. En temps normal, les présentations exposées sur le mur vide concernaient les rendements des récoltes ou les programmes d'extermination des nuisibles. À présent, on y découvrait le système Hetzal tout entier, avec ses mondes, ses satellites, ses stations, ses plateformes et ses vaisseaux. Et quelque chose d'autre. Le ministre Eka avait l'impression de regarder un champ envahi par une nuée d'insectes voraces. Des centaines de lumières minuscules se déplaçaient dans son système à une vitesse proprement ahurissante, toutes dans la direction des soleils, et plus précisément vers les planètes. Vers Hetzal Prime et les deux lunes toutes proches, sans parler de tous ses satellites, ses stations, ses plateformes et ses vaisseaux, habités pour nombre d'entre eux. « Mais de quoi s'agit-il ? » demanda Eka. « Nous l'ignorons, » répondit Tar. « J'ai obtenu cette image en compilant les signaux issus des satellites et des stations de surveillance qui ont survécu. Mais tous disparaissent rapidement et nous perdons notre réseau de senseurs au fur et à mesure. Quelles que soient ces anomalies, elles se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et on a beaucoup de mal à les suivre. Et naturellement, lorsqu'elles heurtent quelque chose, c'est... » « Très déplaisant, » termina le général Borta. « J'aurais plutôt employé le mot « apocalyptique », » dit Tar. « Selon mes calculs, de nombreux impacts vont se produire sur le monde premier. »« On ne peut rien faire !» s'enquit Eka en regardant Borta. « Les... détruire, par exemple !» Borta lui adressa un regard impuissant. « Autrefois, nous aurions peut-être eu une chance. » On aurait pu en abattre quelques-uns au moins. Mais les systèmes de défense ne sont plus une priorité depuis bien longtemps. Il laissa son accusation peser dans l'air, mais Eka ne l'encouragea pas sur cette voie. Il avait pris des décisions qui lui paraissaient judicieuses à l'époque, avec les meilleures informations dont il disposait. Ils étaient en paix. La paix régnait partout. Pourquoi gaspiller de l'argent quand on pouvait aider la population d'une autre façon ? Pas question de revenir sur le passé de toute façon. Le moment était venu de prendre une nouvelle décision, la meilleure possible. Il n'hésita pas. Quand la récolte brûle, on ne peut pas tergiverser. La situation a beau vous sembler terrible, plus on attend, plus elle s'aggrave. Donnez l'ordre d'évacuation. Dans tout le système. Puis expédiez un message à Coruscant. Mettez-les au courant. Ils ne pourront envoyer personne à temps, mais au moins sauront-ils ce qui se passe. La conseillère Zafa braqua sur lui un regard dubitatif. « J'ignore si nous pouvons mettre efficacement cet ordre à exécution, monsieur le ministre, » dit-elle. « Nous n'avons pas assez de vaisseaux ici pour une évacuation planétaire, et si tous ces objets se déplacent presque à la vitesse de la lumière, il ne reste pas beaucoup de temps pour... »« Je comprends, conseillère Zafa, » répondit Eka d'une voix désormais maîtrisée. « Mais même si l'opération ne sauve qu'une personne, eh bien ce sera toujours une victime de moins. » Zafa hocha la tête et tapota son data-écran. « C'est fait, » déclara-t-elle. « Évacuation de tout le système en cours. » Le groupe observa la projection désormais parcourue de parasites sur le mur. Le réseau improvisé de Tar perdait sa couverture à mesure que les satellites connaissaient un sort funeste. Mais le message restait clair. C'était comme si on venait de tirer avec un énorme canon sur le système Hetzal et qu'ils ne pouvaient rien faire pour sauver leur vie. « Vous feriez sans doute mieux de chercher un moyen de quitter la planète, » dit Eka. « J'imagine que les vaisseaux dont nous disposons vont se remplir en un rien de temps. » Personne ne bougea. « Et vous, monsieur le ministre ?» l'interrogea le conseiller Dan. Eka se retourna vers la fenêtre et contempla les champs dorés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Tout était si paisible. Impossible d'imaginer le moindre problème ici. Je crois que je vais rester. Parler au peuple, peut-être. Tenter de calmer les habitants. Il faut bien que quelqu'un veille sur la récolte. Surtout Hetzal Prime, et dans les vastes étendues de ces deux lunes habitées, le message du ministre Eka, diffusé sur tous les canaux de communication, se répandit rapidement sur les datapads et holo-écrans, déclarant en substance « Il n'y a plus aucun lieu sûr. Fuyez aussi loin que possible. » Les explications limitées suscitèrent des spéculations. Que se passait-il? Une sorte d'accident? Quelle catastrophe pouvait frapper à une telle échelle qu'il faille évacuer un système entier? Certains ignorèrent l'avertissement. Ils avaient déjà connu quelques fausses alertes et il arrivait que des crackers se livrent à des canulars ou friment en s'introduisant dans les systèmes informatiques d'alerte d'urgence. Il n'y avait jamais rien eu de cette envergure, certes, mais il était beaucoup plus simple de faire comme si de rien n'était. Après tout, un danger qui menaçait tout le système. C'était impossible, tout simplement. Ces gens restèrent chez eux ou sur leur lieu de travail. Ils éteignirent leur écran et reprirent leur vie parce que cela valait mieux que l'autre possibilité. Et s'ils levaient les yeux au ciel de temps à autre et apercevaient des vaisseaux décollés pour quitter la planète, eh bien, ils se disaient que ceux qui avaient embarqué à bord étaient des simples d'esprit pour s'effrayer de si peu. D'autres, un peu partout, étaient paralysés par la peur. Ils voulaient se mettre en sécurité, mais ignoraient comment faire. Tout le monde n'avait pas la possibilité de quitter la planète. En fait, c'était le cas de la plupart des gens. À Hetzal, système agricole, la population restait attachée à sa terre. Lorsque ses habitants voyageaient ailleurs dans la République, c'était pour une occasion spéciale, une expérience unique dans leur vie. Mais voilà qu'on leur demandait de trouver un moyen de partir dans l'espace sur le champ. Comment? Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Certains habitants de Hetzal possédaient toutefois des vaisseaux ou vivaient dans des villes où le voyage spatial était bien plus courant. Ceux-là allèrent retrouver leurs enfants, rassemblèrent leurs richesses et se ruèrent au spatioport avec l'espoir d'arriver les premiers, de pouvoir réserver leurs billets avant les autres. Et bien sûr, cela n'avait pas été le cas. Sur place, ils découvraient des foules immenses, des files interminables, des prix que seuls les plus riches pouvaient s'offrir et qui crevaient le plafond à cause d'opportunistes sans scrupules. La tension monta rapidement. Des bagarres éclataient, et même si Hetzal disposait d'une force de sécurité, les agents scrutaient le ciel, eux aussi, en se demandant s'ils allaient passer les derniers instants de leur vie à essayer d'aider d'autres habitants à se mettre à l'abri. Une fin noble, certes, mais était-ce vraiment celle qu'ils voulaient? Les agents de sécurité étaient des habitants comme les autres, et eux aussi avaient des familles. L'ordre commença à se fissurer. Sur la lune Racine, un commerçant bienveillant décida d'ouvrir les portes du vaisseau qui lui servait à transporter les aliments frais produits sur place vers les mondes voraces de la bordure extérieure. Il offrit une place à tous ceux qu'il pouvait raisonnablement accueillir, et même lorsque son pilote le mit en garde contre la vétusté de l'appareil et des moteurs qui avaient fait leur temps, il persista dans son intention. C'était un moment de magnanimité et d'espoir, et le commerçant était décidé à sauver autant d'âmes qu'il le pourrait. Avec 582 personnes à bord, y compris le commerçant et sa famille, l'appareil ne parvint à décoller de sa plateforme que lorsque le pilote poussa les moteurs au maximum. Il ne lui restait plus qu'à s'arracher à la gravité de la Lune. Une fois dans l'espace, tout deviendrait plus simple. Il pourrait s'enfuir et se mettre à l'abri. Le vaisseau parvint à parcourir près d'un kilomètre avant que les moteurs surexploités n'explosent. Ses fragments enflammés tombèrent en averse sur ceux qui étaient restés au sol, et ces gens n'auraient su dire s'ils devaient ou non s'estimer chanceux, étant donné qu'ils ignoraient toujours ce qui les attendait. Le message du ministre Eka ne l'avait pas précisé. Une variante de cette communication fut envoyée depuis Hetzal à destination de tout autre système ou vaisseau capable de l'entendre. « Nous sommes dans une situation critique, envoyez de l'aide si vous le pouvez. » Beaucoup le reçurent parmi les différents mondes de la bordure extérieure, Abdalis, Monkalan, Eriadou et bien d'autres encore. Diffusé par le système de relais de la République, il atteignit ensuite les planètes des bordures médianes et intérieures, la région des colonies et même l'étincelant noyau. Presque tous ceux qui le captaient souhaitaient intervenir. Mais comment? De toute évidence, Le phénomène qui se produisait dans le système Hetzal serait achevé depuis longtemps lorsqu'ils arriveraient. On envoya malgré tout des vaisseaux, des frégates médicales pour la plupart, dans l'espoir d'offrir des soins aux citoyens blessés de Hetzal, en supposant qu'il en reste. Rendez-vous dans le complexe de transport hors planète le plus proche, déclara le ministre Eka à un droïde Cam qui captait son image et sa voix pour diffuser ses recommandations dans tout le système. Nous enverrons des appareils récupérer ceux qui n'ont aucun autre moyen de quitter la planète. L'opération prendra du temps, mais gardez votre calme. Vous avez ma parole. Nous viendrons vous chercher. Nous sommes tous issus des mêmes semailles. Un troupeau résilient. Nous survivrons de la même manière que nous avons survécu aux rudes hivers et aux étés arides, en nous y attelant tous. Il marqua un temps avant de conclure. Nous sommes tous Hetzal. Nous sommes tous la République. Le ministre leva la main et le droïde Cam cessa d'émettre. C'était son quatrième message depuis le début de l'état d'urgence, et il espérait que ses transmissions aient des effets bénéfiques. Les rapports suggéraient le contraire. Des émeutes avaient éclaté dans les spatioports des trois mondes habités. Mais que faire d'autre? Il diffusait ses communications depuis son bureau d'Aguirre City, démontrant ainsi qu'il n'avait pas abandonné son peuple alors qu'il en aurait certainement eu le pouvoir. Une manifestation de solidarité, pas grand-chose, mais cela comptait quand même. Autour de lui, les membres restants de son personnel coordonnaient leurs efforts pour apporter un tant soit peu d'aide. Le général Borta organisait sa maigre flotte de sécurité pour maintenir l'ordre et transporter la population hors monde. Avec l'aide du conseiller Dan, il avait réquisitionné de grands cargos transportant habituellement les récoltes et actuellement en transit, les avait transformés en points de relais improvisés et leur avait ordonné de larguer leur cargaison dans l'espace pour accueillir les réfugiés. Chacun pouvait transporter des dizaines de milliers de passagers. Sans confort, bien sûr, mais dans cette situation, le confort ne comptait guère. Des appareils plus petits transportaient les Hetzaliens jusqu'à ces grands vaisseaux, où ils les déchargeaient avant de repartir en toute hâte pour en chercher d'autres. Le dispositif ne manquait pas de défauts, mais c'était tout ce qu'ils avaient pu aménager en si peu de temps. Personne n'avait jamais rien planifié pour une situation de ce genre. Le ministre Eka s'en voulait. Mais comment aurait-il pu savoir? Ce n'était pas censé se produire. C'était impossible, quoi que ce fût. Après tout, il n'était qu'un simple fermier, et... Non, pensa-t-il soudain honteux. Il était le ministre Zefren Eka, dirigeant de tout ce fichu système. Peu importait qu'il n'ait eu aucun moyen d'anticiper ce désastre. La catastrophe avait bel et bien lieu, et il fallait qu'il fasse tout son possible. Tandis qu'il réfléchissait, il se tourna vers Keventar, qui n'avait jamais cessé de gérer son petit réseau improvisé, s'efforçant de maintenir le flux d'informations. Le jeune homme manipulait désormais trois datapads distincts, ainsi que plusieurs droïdes COM projetant diverses images au mur, et il puisait autant de données que possible sur l'étendue du désastre qui ravageait le système. Il n'avait encore aucune réponse réelle, et ne pouvait que confirmer que les dégâts effroyables que subissait Hetzal provenaient de ce même phénomène qui affligeait la région. Des satellites, des antennes, des stations, tous pulvérisés par la tempête de mort qui s'était déclenchée. La situation rappelait les essaims de ronge-mouche qui dévastaient la lune-fruit avant qu'on ne les modifie génétiquement et que l'espèce disparaisse. Lorsque la nuée arrivait, on ne pouvait rien faire. Il n'y avait plus qu'à se terrer quelque part, survivre et ensemencer de nouveau les champs une fois les parasites passés. Eka regarda Keventar éponger la sueur qui lui coulait dans les yeux, puis reporter son attention sur son datapad principal, celui qu'il avait installé sur la petite console qui lui tenait lieu de bureau. Tar écarquilla les yeux et ses doigts s'immobilisèrent au-dessus de l'écran. « Monsieur le ministre, je reçois un signal. » « Quel signal ?» s'enquit Eka. « Je vais le retransmettre, » répondit Tar. Et Eka décela dans sa voix une curieuse note. De la surprise, peut-être, ou bien de l'étonnement. Les mots crépitèrent lorsque l'un des droïdes COM du technicien diffusa le communiqué dans le bureau du ministre. Une voix de femme. quelques mots seulement, mais ils leur offrirent ce dont ils avaient le plus besoin à cet instant. Ici le maître Jedi Avar Kriss. Les secours sont en route. Une chose unique. L'espoir.